Monsieur Dupont, c'est avec beaucoup d'attention que nous accusons réception de votre lettre de réclamation. Chère Madame René, nous avons bien réceptionné votre courrier du 3 juillet. Hélas, nous sommes au regret de refuser. Sincère salutation. Ah oui, c'est bien ça.